Bonjour, merci d'être venu. Les gens qui ne connaissent pas le CIRA, on pourra en discuter après, vous expliquer un peu l'historique de ce lieu dans lequel nous sommes depuis 2011, mais le CIRA existe à Marseille depuis 1965, c'est une vieille histoire. Donc nous organisons régulièrement ce que nous appelons des causeries, on préfère le terme causerie à conférence. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Guillaume de Gracia, qui est venu spécialement de Toulouse pour nous parler de son dernier livre, qui s'appelle « De sueur et de sang ». Donc Guillaume a fait des études en anthropologie, jusqu'à la thèse, je pense. C'est ça. Une thèse soutenue en 2009 à Paris 8, qui s'appelle « Persistance des pratiques horizontales en République argentine de 1857 à nos jours ». Je trouvais pas mal que l'université accepte un titre pareil, une pratique horizontale, parce que c'est quand même déjà bien engagé dès le titre. Ces travaux portent, vous l'avez deviné, sur l'Argentine, le mouvement social, et en particulier le mouvement anarchiste qui a été puissant à une époque, et moins après, mais comme on va le voir au cours de cette causerie, les luttes ont persisté jusqu'à nos jours. En 2009, tu as sorti ce livre. Bon, ça devait sûrement être inspiré de tes mémoires. C'était la partie historique du mémoire. Voilà. Donc, ça s'appelle L'Horizon Argentin, petite histoire des voies empruntées par le pouvoir populaire 1860 à 2001. Ça a été publié par les éditions de la CNT, région parisienne. En 2013, je crois, on est sorti. Non, 2009. Oui, ça, le premier c'était 2009. Après, et après, voilà, Viva la Sociale, donc coédité par plein d'éditeurs. Ouais. Nada, édition libertaire, et un troisième, Noir et Rouge. Donc c'est une collection, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'autres exemplaires. Il y a eu deux exemplaires en fait de cette collection, America Libertaria, l'idée étant effectivement de brosser un peu des épisodes de l'histoire latino-américaine et des différents pays d'Amérique latine d'un point de vue plutôt donc libertaire, puisque c'est une histoire qui en fait n'est pas très connue, voire pas connue du tout. Il y a peu de traductions. Voilà. Puis il y a même sur certains pays il y a peu de choses, hein, il y a peu de travaux historiques qui ont été faits, y compris en espagnol. Hein, donc voilà, l'idée c'était de commencer à défricher un peu le terrain par rapport à ces périodes-là historiques, de en gros 1850 à 1930-1940. Donc là, c'est un ouvrage collectif, hein, voilà, auquel ont participé Joël Delhomme, David Coyon et Alain Finet. Et Guillaume a écrit un article sur la semaine tragique. J'en ai très bien. Dont on va sûrement parler. Et donc, aujourd'hui, c'est De sueur et de sang. Donc là, on est sur une période plus ramassée, plus courte. Ouais. Donc c'est 1943-1960. Nous le détailler, c'est l'Argentine de Perón. Voilà. Donc, mais forcément, on va parler de ce qu'il y avait avant et ce qui va se passer après. Donc je crois que j'ai assez parlé. Enfin, si tu as écrit des articles dans plusieurs revues sur le péronisme, l'économie informelle. Puis alors, des métiers, tu t'intéresses à des métiers pas très connus comme les coursiers. Oui, ça a été le côté plutôt entrepôt de ma thèse, effectivement. J'avais fait un travail de terrain autour de coursiers là, en Argentine, à Buenos Aires plus exactement. Enfin, qui sont des coursiers à moto qui délivrent en fait toutes sortes de choses de la boîte de pizza à des lettres recommandées, enfin des équivalents de lettres recommandées, etc. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu concrètement comment était en train de se monter une structure syndicale autour de ce métier-là, qui a quand même représenté plusieurs dizaines de milliers de travailleurs au début des années 2000, au milieu des années 2000. Et l'idée, c'était de voir un peu comment il y avait un syndicat qui était en train de se monter, qui était en train pas de réinventer au shop, ce serait vraiment méchant de leur part, puisqu'en plus, ils s'inspiraient quand même de beaucoup d'expériences locales et internationales, mais qui est en train de reprendre un peu, de refaire un peu toute l'expérience qu'avaient pu mener les premiers syndicalistes, que ce soit des syndicalistes français ou argentins, avec des reconstructions mutuelles, de coopératives, etc. Et donc, j'ai fait un travail de terrain auprès de ces coursiers-là. À toi la parole. Bon, bah déjà, merci au CIRA de m'avoir invité. Merci à vous toutes et à tous d'être présents devant moi aujourd'hui. Donc, effectivement, le livre pour lequel le CIRA m'a invité aujourd'hui, c'est De Sueur et de Sang. C'est un livre qui est paru en avril, là, de cette année, qui traite d'une période qui va de 1943 à 1976, en fait, en Argentine, qui traite donc plutôt de la résistance populaire, de tout ce qui est mouvements sociaux, lutte armée, etc. Moi, je m'inscris quand même dans une perspective de ce qu'on appelle l'histoire par le bar, hein, c'est-à-dire pour les personnes qui ne connaîtraient pas, il y a des auteurs comme Lefebvre en France, Howard Zinn aux États-Unis, Thompson en Angleterre, qui ont commencé à proposer, si vous voulez, une approche historique qui consiste à passer à prendre justement le bas, donc la population, le peuple, pour le faire court, et à voir comment le peuple évolue, comment le peuple lutte, en l'occurrence, et en s'opposant justement à cette idée, à cette théorie des grands hommes qui consiste à dire que, en fait, ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Et puis ben, les gens qui, comme moi, se centrent dans cette perspective historiographique considèrent que c'est pas du tout les grands hommes qui font l'histoire. Même si, effectivement, pour la question péroniste, ça m'a posé un petit problème, puisqu'on parle quand même d'un personnage qui est extrêmement important pour le pays, qui, comme je vais vous l'expliquer, a représenté vraiment la revendication principale de toute une population, enfin du moins son retour, hein, puisque en 55 il va s'exiler, mais donc son retour va représenter la revendication principale de toute une population, en fait. Donc c'est un peu, je ne pouvais pas éluder complètement la personnalité de Perón dans le livre. Je vais essayer de ne pas forcément en parler trop dans le cadre de cette présentation-là, puisque l'objectif principal, quand même, mon intérêt premier, c'est quand même la lutte de la population argentine, du peuple argentin sur cette période-là. Alors effectivement, du coup, faut un minimum contextualiser ce dont on parle, à savoir que l'Argentine, c'est quand même un pays qui est neuf, dans le sens où jusqu'au milieu du 19e siècle, on se retrouve avec un pays qui est quand même très largement vide. Hein, les deux tiers ou les trois quarts de ce qu'on connaît comme étant la Patagonie, en fait, sont essionnés par des peuples de chasseurs-cueilleurs nomades, qu'on appelle Tehuelche, ou plus bas, des Selknam. Enfin, vous avez toute une mosaïque de peuples qui se rattachent au groupe Mapuche et Tehuelche. Et donc, en fait, assez rapidement, l'État moderne argentin qui est en train de se créer sur la deuxième partie du 19e siècle considère que gouverner, ça va être peuplé. Voilà, c'est dit comme ça. Gouverner, c'est peuplé. Donc, on va essayer de faire venir en Argentine, de faire littéralement débarquer en Argentine des populations pour peupler, hein, tout simplement, et donc développer une industrie locale, développer le pays, son agriculture, etc. Simplement, là où les politiques argentins de l'époque pensaient voir venir et attirer à eux des gens plutôt d'extraction nord-européenne, des ouvriers qualifiés, plutôt allemands, anglais, etc. Ils vont voir essentiellement arriver chez eux des Italiens et des Espagnols, en priorité des Italiens, hein, il y a 4 millions d'Italiens qui vont arriver, un peu plus de 3 millions d'Espagnols, et des gens qui sont pas du tout des gens formés à l'industrie ou qui sont des ouvriers qualifiés, mais au contraire des paysans qui fuient les crises qu'il peut y avoir à ce moment-là en Europe. Donc du coup, ces paysans arrivent et en plus, ils ont, dans un certain nombre de coins, de régions d'Espagne et d'Italie, ils sont travaillés depuis un certain nombre d'années par des courants politiques et idéologiques qui sont assez divers, mais qui sont tous assez intéressants. Alors du côté espagnol, par exemple, on a un courant politique qui est assez peu connu, qui s'appelle le cantonalisme, par exemple, dont l'idée est quand même de favoriser une espèce d'autonomie de la commune, aux communes, auprès au sens de ville. Hein. Donc une espèce de personnes comme ça qui veulent, de courants d'idées comme ça, qui va même mener une petite révolution en 1873. On a évidemment les Carbonari en Italie, il y a les socialistes, les anarchistes, bon. Alors, on a quand même tout un courant de pensée, d'idéologie qui sont les Mazzinistes en Italie, on va avoir les Garibaldiens, etc. Donc on a tout un tas de courants de gauche, plus ou moins social, plus ou moins révolutionnaire, qui travaillent quand même ces populations espagnoles et italiennes depuis quand même quelques années. Et donc eux arrivent pour beaucoup avec quand même ça en tête, malgré tout. Même si les premières structures qui vont être montées en Argentine sont des structures quand même plutôt entre guillemets interclassistes, puis ça va être par exemple des lieux de rencontre, des hôpitaux, ce genre de choses dans lesquelles se rencontrent les différentes classes sociales, puisqu'il n'y a pas que des paysans qui vont arriver en Argentine, hein, il y a quand même toute une mosaïque de personnes qui sont d'extraction sociale très diverse. Alors, quoi qu'il en soit, entre 1880 et 1900, en fait, on a l'apparition déjà de... Enfin, la constitution de la classe ouvrière argentine, hein, avec dans toutes ses composantes, c'est-à-dire y compris dans une langue vernaculaire qui lui est propre, qui est le lunfardo, en fait. Le lunfardo étant l'équivalent de l'argot parisien, français, en fait, hein, jusque dans le verlan, puisque dans le lunfardo, il y a du verlan, hein. On ne va pas dire un patron, hein, on va dire un trompa en argentin, en argot argentin. ou pour ceux qui connaissent, le tango c'est Gotan Project c'est tango. Voilà. Et Gotan c'est tango. Voilà, donc il y a la constitution de la classe ouvrière argentine comme ça, et donc du coup d'une conscience de classe aussi. Et entre 1880 et 1900, il y a apparition de tout un tas de ce qu'on appelle des sociétés de résistance, en fait, qui vont petit à petit organiser les ouvriers des différentes corporations et qui vont mener des grèves qui vont être assez offensives, qui ne vont pas, enfin des grèves qui ne sont pas toutes victorieuses, hein, mais qui vont aboutir quand même à ce que, au tournant du 19e et du 20e siècle, il y ait la constitution d'une fédération. Qui s'appelle la Fédération ouvrière argentine, qui est en fait la collusion de différentes structures à la fois socialistes et à la fois plutôt anarchistes, qui va donner en fait assez rapidement une structure qui s'appelle la FORA, donc Fédération ouvrière régionale argentine, qui elle pour le coup est clairement se revendique du communisme libertaire, hein, de manière assez nette. Lors de son 5e congrès, elle dit très explicitement qu'il faut faire la propagande du communisme libertaire auprès des adhérents de la FORA. On est en totale opposition avec la future charte d'Amiens, puisque ça se passe en 1905. La charte d'Amiens, c'est en 1906, et la charte d'Amiens, vu que concrètement, le syndicat donne comme objectif l'abolition de l'État et du salariat, mais ne fait pas de propagande pour une secte, si je me souviens bien, dans la charte d'Amiens, c'est dit comme ça, pour quelques sectes politiques ou religieuses que ce soit. Alors là, pour le coup, la FORA assume le fait d'être communiste libertaire et de dire à ses adhérents, il faut lutter pour le communisme libertaire, quitte à considérer que, de toute manière, la FORA ne survivra pas à la future révolution, et ça c'est un point quand même qui est important à prendre en compte, parce que quand la FORA considère qu'elle est en fait, se considère elle-même plutôt comme une espèce de gigantesque caisse de résonance et d'appareil de propagandistique, on va avoir au tournant des années 20-30 un certain nombre d'autres syndicats qui eux vont se constituer sur des structurations par branche en fait, et par industrie, qui vont avoir plus d'impact auprès de la population, qui elle-même, elle commence à être effectivement dans des industries qui sont de plus en plus verticales, etc. Donc il y aura un manque d'adaptation de la FORA au bouleversement et aux transformations du monde du travail. Cela dit, au moment où on en parle, c'est plutôt des métiers, et c'est plutôt par syndicats de métiers que se constituent les syndicats et que recrutent la FORA. Quand je dis par métier, c'est par exemple, vous allez avoir le syndicat des boulangers, le syndicat des chauffeurs de bus, ou de, enfin, les chauffeurs bus, oui. Vous allez avoir le syndicat des plâtriers, le syndicat des peintres dans le bâtiment. Par exemple, vous n'allez pas avoir de syndicat du bâtiment regroupant les plâtres, les plâtriers, les maçons, etc. Ça va être le gros problème de la FORRA de ne pas prendre ce tournant du syndicat industriel, pour moi. Quoi qu'il en soit, entre 1900 et 1930 à peu près, on a quand même un courant politique qui va largement travailler le monde ouvrier et la population argentine du coup, à travers la FORRA, à travers de multiples aussi autres organisations qui sont assez intéressantes, mais bon, je vais quand même, si j'y reviendrai si on pose des questions dessus. Et en fait, ça va aboutir, en gros, cette prégnance de l'anarchisme et du communisme libertaire entre 1880, on va dire, et 1930, ça va aboutir à ce que, selon moi, j'appelle, moi, une subculture. Alors, j'ai utilisé le terme anglais parce que le terme français, à mes avis, n'est pas satisfaisant, parce qu'il y a un côté, péjoratif dans le terme sous-culture ou contre-culture. La contre-culture, c'est pas exactement ça. Et la sous-culture en français, c'est quand même quelque chose d'un peu péjoratif. Alors que là, pour moi, c'est pas péjoratif le fait qu'il y ait une subculture, du coup, libertaire, dans ses pratiques, dans son appréhension du rapport de force, et dans sa volonté d'aller concrètement, de s'opposer concrètement au patronat, à l'État, etc. Alors donc, jusqu'en 1930, en fait, on va avoir une prégnance de ça. Et en 1930, on a le premier coup d'État militaire argentin qui arrive, qui est un coup d'État clairement fascisant. Le leader de ce coup d'État, qui s'appelle Uriburu, est un germanophile patenté, s'est inspiré aussi de l'Action française. Enfin, c'est quelqu'un qui est très clairement d'extrême droite. Et en fait, donc cette date de 1930 est importante aussi à retenir parce que ça va être la création, en septembre 1930, très peu de temps après le coup d'État, ça va être la création de la CGT, donc Confédération Générale du Travail, comme en France. C'est un hommage, d'ailleurs, à la CGT. Et cette CGT-là de 1930, en fait, c'est l'aboutissement d'une discussion qu'il y a eu auparavant entre deux syndicats. Un syndicat plutôt syndicaliste révolutionnaire qui s'appelle l'USA, l'Union syndicale argentine, et un syndicat qui est plutôt d'extraction socialiste qui s'appelle la Confédération ouvrière argentine, COA, qui lui est plutôt socialiste. Donc ça fait quelques années que ces deux syndicats discutent pour essayer de recréer une grande fédération. Et en fait, ça va aboutir. Alors, ça aura fait, ça aura permis à tous les anarchistes argentins de largement ironiser sur le fait que la CGT s'est créée juste après le coup d'État et que la CGT, dans sa profession de foi de création, était un peu obligée quand même de prendre en compte le bouleversement de la donne politique et donc de donner quelques gages à l'État, au nouveau pouvoir. Donc en fait, bon, on a les gens de la FORRA et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en tout cas, les camarades libertaires considéraient que c'était effectivement quelque chose une espèce de trahison que d'avoir créé la CGT à cette époque-là. Enfin bon, je me prononce pas dessus, quoi qu'il en soit, assez rapidement, donc la CGT va devenir la confédération qui va déjà d'une part voir arriver un certain nombre de communistes dans ses rangs, puisque les communistes jusqu'à 1930 ont une structure syndicale qui leur est propre, mais après 1930, ils vont considérer qu'il faut entrer dans la CGT. Donc les communistes rentrent dedans, et puis après un certain nombre de libertaires aussi prennent justement acte de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur l'évolution de la FORRA, et donc décident de rentrer dans la CGT en considérant que s'il y avait effectivement un peuple à essayer d'orienter vers des pratiques libertaires, c'était au sein de la CGT, ce n'était plus au sein de la FORRA. Voilà. Donc la CGT devient le syndicat argentin qui compte désormais pour toute cette période des années 30 et jusqu'au début des années 40. Donc un syndicat qui va être travaillé en interne, il va y avoir, je vous épargne les différentes scissions, refusions, rescissions, etc. Ça reste quand même, la CGT jusqu'à aujourd'hui reste encore un syndicat qui compte, qui regroupe des millions de personnes encore aujourd'hui en Argentine. Et en fait, on va avoir quand même en 1943 le coup d'État qui voit arriver la junte avec, dans laquelle il se trouve Perón en fait. Et le fait que ce syndicat CGT ait pris un certain nombre ait pris un certain poids dans le monde ouvrier argentin pendant les 13 années qui ont précédé le coup d'État va expliquer le fait que lui veut tisser des liens avec avec cette CGT là. Sur le coup d'État, très rapidement, c'est un coup d'État qui en fait est plus, alors j'ai l'exprime tel quel dans le livre, c'est plus en fait une réaction corporatiste que vraiment un coup d'État ayant un projet politique clair, net, précis, une direction vers laquelle aller. C'est plus en fait des gens qui sont dans une optique d'empêcher ce qu'ils estiment arriver inéluctablement, c'est-à-dire une espèce de front populaire, voire révolution rouge, puisqu'ils sentent, ils pressentent en tout cas que la fin de la Seconde Guerre mondiale est proche, hein, en juin 1943. Stalingrad et Guadalcanal sont passés, donc les forces de l'Axe sont plutôt mal en point. Donc du coup, les militaires qui sont à la manœuvre de ce coup d'État, eux craignent surtout le fait qu'avec la victoire des forces alliées et donc de l'URSS, il y ait une espèce d'appel d'air comme ça en Argentine et qu'il y ait une espèce de révolution. D'autant que le peuple argentin a quand même relativement souffert sur la décennie passée. Décennie qui est retenue d'ailleurs d'un point de vue historique en Argentine comme étant la décade infâme. Hein, c'est pour donner l'idée de... Alors, vote des morts, corruption, malnutrition, c'est un peu un cortège comme ça de divers maux que subissent les Argentins pendant ces années qui vont de 1930 à 1943. Donc du coup, voilà, on est avec un coup d'État qui se cherche un peu, avec des militaires qui se cherchent un peu, mais qui n'ont surtout pas envie de voir une révolution rouge arriver en Argentine. Et parmi ces militaires, il y en a quand même un qui est un petit peu plus futé que les autres et qui, par ailleurs, a vécu toute la période que j'ai brossée très rapidement, hein, précédente, à savoir la période des années quand même très conflictuelles de l'anarchisme, certains ont appelé la période dorée ou la période d'or de l'anarchisme argentin. Donc du coup, Perón, lui, il a gardé ça en tête. Je pense que ça va être un mélange d'honnêteté, de réaction banale qui consiste à dire que lui, en tant que stratège, il a bien compris que la répression systématique et systématisée sur le peuple argentin ne fonctionne pas, si tant est qu'elle fonctionne sur un peuple dans le monde, mais qu'en tout cas sur le peuple argentin ça ne fonctionne pas, et que donc du coup peut-être faudrait-il envisager quelque chose d'autre pour réussir à asseoir un régime un tant soit peu pérenne. Et donc du coup lui en fait il est très inspiré par Mussolini et Hitler qu'il a rencontrés en Europe, puisqu'il est allé faire un séjour de 2 ans en Europe entre 38 et 41, si je me souviens, de 3 ans, entre 39 et 41 je crois. Donc il rencontre Mussolini, il rencontre Hitler, et il est très impressionné par la communauté organisée nazie, il est très impressionné par ce qu'il estime être un socialisme sui generis, c'est-à-dire le fascisme italien, et donc lui très clairement il vise, il penche vers là, et il estime que il faut que l'Argentine se dote d'un régime à peu près équivalent. Alors, il va tisser des liens assez rapidement avec les syndicalistes essentiellement révolutionnaires et socialistes, même s'il y a des gens qui se réclament aussi de l'anarchisme, mais qui vont se rapprocher de Perón, et pas qu'un d'ailleurs. Il va concrètement réussir non seulement à arbitrer un certain nombre de conflits du travail en faveur des ouvriers, mais il va y avoir un certain nombre de mesures qui vont être passées concrètement, hein. Je ne vais pas tout lire, mais bon, en gros, 50 000 employés de boucherie qui obtiennent leur dimanche comme jour chômé, 2 millions de travailleurs qui obtiennent le droit à une retraite, personnel administratif des chemins de fer qui bénéficie du droit à la syndicalisation, statut professionnel du journaliste, statut du péon, qui là est clairement une attaque. Donc le péon, c'est en gros le journalier, pour aller rapidement, c'est le journalier dans la campagne. Donc c'est le péon se voit doté d'un statut désormais, donc ce qui est une très claire attaque contre l'oligarchie argentine, qui est une oligarchie rurale essentiellement, donc ce qu'on appelle la société rurale. Plus tard, il y aura le droit de vote des femmes qui sera accordé. On a la nationalisation des chemins de fer, hein, qui était jusqu'à ce que Perón arrive au pouvoir une propriété qui était une propriété anglaise, hein, donc les rails, les gares, les trains étaient propriété anglaise, et donc quand Perón arrive, lui estime qu'il l'a troqué. Dans une interview, il dit non, mais j'ai effacé la dette de l'Angleterre contre le rail. C'est-à-dire qu'en gros, il dit il me devait 2000 milliards de livres. Donc du coup, j'aurais dit, vous gars, j'efface votre dette contre l'intégralité des rails, des gares et des trains. Juste une parenthèse, c'est à cette époque, l'Argentine était un pays qu'on pouvait classer comme parmi les plus riches du monde. C'est-à-dire qu'à la banlieue, c'est dans les années 50, c'est après. Disons que là, l'Argentine ressort de la guerre avec les caisses effectivement pleines, puisqu'elle elle n'a pas subi quoi que ce soit sur son territoire, mais par contre, elle a très largement exporté, très largement vendu à tout le monde. Hein. La librairie, essentiellement, mais puisque l'Argentine, jusqu'à très tard, quand même, c'est en partie aujourd'hui, hein, de toute façon, c'est plutôt une économie agro-exportatrice, hein, puisque une production quand même de viande, de céréales, et puis on exporte tout ça vers l'étranger. D'où l'importance aussi dans les liens que tisse Perón, par exemple, d'un point de vue syndical, avec les syndicats de tout ce qui est transport, hein, le rail, tout ce qui est dock, port et dock, puisque c'est quand même le nerf de la guerre de l'économie argentine. Si vous avez des syndicats qui sont opposés à votre pouvoir et qui sont en capacité de bloquer le nerf de la guerre, le nerf de l'économie du pays, le cœur de l'économie du pays, c'est sûr que... Bon. Donc du coup, il s'est attaché effectivement dans un premier temps à discuter avec les cheminots, pardon. Et c'est les ouvriers du rail qui vont être, dans un premier temps, qui vont constituer le cœur quand même de la péronisation. Alors moi, je parle de péronisation et en même temps de ségétisation, en fait. Puisqu'on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas un double mouvement qui consiste à la fois à ce que les péronistes gagnent la CGT et en même temps la CGT gagne les péronistes. Enfin, c'est un peu un mouvement double. Voilà. Donc du coup, il y a ce mouvement-là qui s'empare quand même du mouvement ouvrier, avec quand même des mesures qui sont passées, qui vont dans un sens où concrètement on est obligé d'avoir un carnet pour pouvoir travailler aussi. Donc du coup, ça nécessite de syndiquer derrière. Donc il y a quand même une volonté comme ça de faire rentrer les gens dans le syndicalisme. Soit dit en passant, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que le Front National voulait faire ça, hein, c'est-à-dire dissoudre tous les petits syndicats, en créer un grand. Et j'imagine derrière obliger tous les travailleurs à syndiquer, à se syndiquer. Hein. C'est vrai, actuellement, c'est le nerf de la guerre d'un point de vue syndicalisme. En tout cas, c'est le nerf c'est le cœur de proposition du Front National. Ce qui me fait dire d'ailleurs, il n'y a pas que moi. Enfin, on est un certain nombre à considérer que le Front National est en pleine pérennisation. En fait. Oui, j'ai argumenté tout à l'heure. Tout est lié. d'ailleurs, une sinistre révolutionnaire se réclame encore de Perón aujourd'hui. Donc du coup, on a ce mouvement-là de constitution syndicale assez importante, avec aussi, alors sans rentrer trop dans les détails, mais quand même quelque chose qui est important à comprendre pour voir comment ça vont évoluer les structures syndicales, c'est-à-dire qu'ils vont s'inspirer du double système américain qu'on appelle le closed shop et le check-off. Alors c'est le closed shop, en fait, c'est considérer qu'un syndicat a la main mise sur une entreprise ou sur une branche d'industrie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu la CGT du livre chez nous. C'est-à-dire que la CGT, et c'est une revendication d'ailleurs syndicaliste révolutionnaire que de considérer que c'est le syndicat qui embauche. Et c'est pas le patron qui embauche. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le check-off, qui consiste à prélever directement sur les feuilles de paye, en fait, tout ce qui est cotisation pour les œuvres sociales. Donc en gros, ce système qui va se mettre en place en Argentine va aboutir en fait à ce qu'il y ait des directions syndicales qui vont monter des œuvres sociales gigantesques et qui vont, les familles qui vont s'installer à la tête de ces syndicats vont en profiter largement pour détourner une partie de cet argent-là et vont subir un processus à la fois de bureaucratisation, et à la fois de corruption qui va les amener à être quasiment des barons mafieux. Puisque on va avoir assez rapidement des pratiques du type népotisme, meurtre des opposants syndicaux, pression sur les différentes sections syndicales, etc. Un peu un système pour ceux qui connaissent à la Jimmy Hoffa aux États-Unis. Donc c'est un personnage qui est un peu tombé dans l'oubli, même si dans les années 60-70, ils ont sorti un film en 90, je crois, avec Jack Nicholson qui joue le rôle de Jimmy Hoffa. C'est un film assez intéressant. Enfin, il y a Sylvester Stallone aussi qui a joué le rôle de Jimmy Hoffa dans un film qui s'appelait Fist, qui était le début de Jimmy Hoffa, où il a effectivement des pratiques qui sont un peu de l'ordre du syndicalisme révolutionnaire, avec des choses très très offensives contre le petit patronat routier, enfin, des choses assez, assez étonnantes. Mais on peut effectivement faire un parallèle entre Jimmy Hoffa et le syndicalisme un peu américain et à l'Argentine. Donc du coup, avec toute cette idée d'une bureaucratisation des syndicats rapide, hein, très très rapide, hein, et d'une corruption qui devient quasiment avec des barons mafieux. Pour autant, à la base, on a quand même des ouvriers et des structures au sein des syndicats qui sont en capacité d'être, récupérées par la démocratie ouvrière, en fait, puisqu'il y a à la fois des commissions internes et à la fois des corps de délégués qui sont élus par les ouvriers, et donc qui régulièrement vont faire l'objet, en fait, de vrais lieux de démocratie, et voire de démocratie oppositionnelle à la structure du syndicat, puisque là, pour le coup, on va pouvoir élire, en fonction des années, hein, bon, là je vais prendre un exemple des années 60-70, mais dans les années 60-70, vous allez avoir régulièrement des communistes, des Mao, des trotskistes qui vont être élus, en fait, par ces corps de délégués, donc qui vont impulser impulser en fait des pratiques qui sont beaucoup plus offensives, avec des discours qui sont beaucoup plus offensifs que la tête de la direction, enfin que la direction syndicale. Voilà. Rapidement, pour clore ce qu'on appelle le péronisme orthodoxe, c'est-à-dire le premier péronisme et la période présidentielle de Perón, en fait, on se retrouve quand même avec une période qui n'est pas du tout une période d'accalmie sociale non plus, hein, c'est-à-dire que on est dans une période de forte conflictualité sociale, on est dans une période où les ouvriers entendent quand même puisque en plus on a une Evita Perón qui n'arrête pas, et là pour le coup c'est important de la prendre en considération, parce qu'elle façonne quand même en grande partie le discours de ce premier péronisme, avec des diatribes et des discours extrêmement enflammés, extrêmement virulents contre l'oligarchie, contre l'impérialisme. Donc du coup, impérialisme qu'on peut appliquer aussi en interne, hein, c'est-à-dire l'impérialisme des blancs qui ont des pratiques comme ça coloniales sur le petit peuple de l'intérieur de l'Argentine. Donc du coup, elle a des propos extrêmement virulents. Elle-même est censée être, très proche des trotskistes, mais ça c'est plus, ce n'est pas vérifié a priori. Mais bon, il y a des rumeurs comme ça et on lui renvoie ça. Elle aurait, à travers sa fondation, commencé à acheter des armes pour armer les syndicats. Enfin bon, c'est des choses qui se savent aussi à certains moments. Donc du coup, les ouvriers sont quand même dans une perspective où ils ont un pouvoir, en fait, qui leur laisse pas les coudées franches, mais en même temps leur dit quand même qu'ils peuvent y aller s'il s'agit de secouer un peu le patron. Donc il y a quand même une période de forte conflictualité. Et j'en veux pour preuve deux exemples, hein. Vous avez quand même un mouvement qui est le mouvement justement des cheminots, qui sont censés être quand même le cœur de la péronisation du syndicat, qui entre 47 et 51 vont mener des grèves régulières avec des corps de délégués qui s'organisent en dehors du syndicat de manière à pouvoir gérer les grèves et de manière à ce que ça ne soit pas la direction syndicale qui gère les grèves, qui vont être extrêmement violentes et qui vont qui vont quasiment impliquer la totalité du corps cheminot, hein, puisque sur, je crois, sur 150, sur 160 000, il doit y en avoir 150 000 qui partent en grève. Enfin bon, c'est des choses quand même qui sont quand même assez fortes. Et on a aussi la grève des métallurgistes de 1954, donc ça c'est vraiment à la toute fin de la première présidence de Perón, qui sont encore une fois des grèves qui sont quand même relativement auto-organisées et fortement anti-bureaucratiques. Hein. C'est-à-dire que dès le début, quasiment, de ces mouvements-là, dès le premier péronisme, on a des mots d'ordre anti-bureaucratiques et qui se veulent tels quels. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que déjà, la direction syndicale, il n'y a plus à en tirer quoi que ce soit, avec cette idée, en plus, que Perón est une espèce de monsieur loyal qui va arbitrer pour nous. Et donc, typiquement, lors de ce mouvement de 1954, on a des colonnes ouvrières qui arrivent sur la place ADMH, c'est-à-dire la place de Mai, là où il y a le palais présidentiel, et en fait demandent à Perón de trancher et de littéralement expulser la bureaucratie du syndicat. Le même Perón qui va par ailleurs leur envoyer à travers son ministre de l'Intérieur, il va leur envoyer la police, va leur faire tirer dessus, etc. Mais il y a une espèce de... les gens de l'Action française parlaient d'anarchie plus un, en fait, hein, c'est-à-dire à la base on s'auto-organise et au-dessus il y a Dieu ou le roi. Moi ça me faisait penser un peu à ça, donc, c'est-à-dire on s'auto-organise, on s'auto-gère à la base, mais au-dessus il y a Perón. Bon. En 55, du coup, il y a un coup d'État qui, effectivement, dépose Perón, alors qu'il n'y a pas une majorité de gens qui sont contre lui, hein, il y a même une majorité des militaires, des corps policiers, de la population, mais pour autant, on a toutes les franges de la petite bourgeoisie, notamment petite bourgeoisie catholique, qui est quand même assez offusquée qu'il ait pu légaliser les maisons closes et qu'il ait pu supprimer l'éducation religieuse à l'école. Donc on a donc les franges de la petite bourgeoisie catholique qui est en train de se radicaliser dans un sens d'extrême droite. Alors avec aussi tout le clergé qui considère qu'il y a une espèce d'apparition de ce qu'ils appellent un néopanthéisme avec la figure de Evita qui meurt en 53 et qui donc est portée au nu comme ça, comme s'il s'agissait d'une sainte, ce qui déplaît fortement à la hiérarchie catholique qui y voit une espèce de paganisme comme ça qui en plus a de plus en plus de traits athées, puisque bon, on supprime encore une fois maison close, ouverte, on supprime l'éducation religieuse à l'école, donc il s'en méfie quand même fortement, et comme ça commence à les titiller, on a toute la frange socialiste marxiste, voire et y compris anarchiste, qui considère Perón de toute manière comme un dictateur depuis toujours. Donc, dès qu'il y a une occasion et dès qu'il y a la possibilité d'abattre Perón, elle s'y engouffre. Et donc, on a un certain nombre de secteurs qui sont très très hétéroclites, mais qui vont quand même impulser un coup d'État. Alors, d'abord en juin, puis après en septembre. En septembre, le coup d'État réussit. Même si effectivement, si Perón et les chefs péronistes avaient décidé d'armer le syndicalisme et les colonnes syndicales un peu sur le modèle de ce qui s'est passé en Espagne en 1936, nul doute que le soulèvement militaire aurait été balayé assez rapidement, beaucoup plus rapidement. Enfin, il n'a pas été balayé en Espagne. Disons que là, je pense que là, pour le coup, les militaires, vu les forces en présence, hein, on a fait un petit travail autour de ça, vu les forces en présence, il y a peu de chances quand même que les militaires aient réussi quoi que ce soit, surtout que à cette époque-là, il n'y avait quand même pas beaucoup de... Les Américains, par exemple, n'étaient pas présents sur aucun conflit dans le monde, donc auraient certainement appuyé le soulèvement. Alors, si je parle des Américains, c'est sans doute la raison pour laquelle Perón ne veut pas armer justement les syndicats, c'est que vu que les Américains ne sont pas présents sur aucun lieu de conflit dans le monde, vu que les Russes n'ont aucune base à ce moment-là en Amérique latine, il y a de fortes chances pour que si le conflit, enfin si le coup d'État militaire argentin dégénérer sous la forme d'une guerre civile. Un certain nombre de puissances ça, se mettent dans cette histoire-là et fassent dégénérer le conflit. C'est une hypothèse de... Enfin bon, c'est... On n'a pas le fameux de pourquoi Perón n'a pas armé les syndicats à ce moment-là. Moi, je pense que concrètement, il y a aussi tout simplement le fait que le péronisme n'est pas non plus une idéologie fondamentalement si populaire que ça, et que donc du coup, la possibilité de laisser le peuple en armes n'était pas de toute manière une option, n'a jamais été une option pour ni Perón, ni les chefs péronistes, mais que concrètement, de ça, il a pu en jouer, et il va largement en jouer, à partir du moment où il aura été contraint à l'exil. Donc du coup, tout ça, effectivement, nous amène à un nouveau régime militaire qui est, pour le coup, libéral, d'un point de vue économique, et extrêmement répressif. Alors non seulement les ouvriers, dès que qu'ils soient péronistes ou pas, sont réprimés dès qu'ils entendent garder un minimum de leurs acquis sociaux, ils se voient interdire toute référence à Perón, son nom même est interdit, les photos de Perón sont interdites, et en plus de ça, donc ils se voient quand même rentrer dans le giron du FMI avec des mesures quand même néolibérales qui sont prises et qui sont quand même relativement violentes pour l'époque, qui font que concrètement on a une espèce de comme ça de sursaut qui va durer au moins 3 ans, de 55 à 58, et le retour à une espèce de démocratie, où on a quand même des actions de sabotage. Alors on a pu parler de terrorisme spontané, de terrorisme artisanal, puisque en fait entre 55 et 58, il va y avoir plus de bombes qui vont exploser en Argentine qu'en Algérie à ce moment-là. Okay. En Algérie, on est dans le cadre d'une guerre anticoloniale très nette, hein, et une guerre de libération nationale très nette. On est dans le même cadre en fait en Argentine, sauf que on n'est pas avec deux puissances, enfin avec une puissance extérieure qui serait la France, mais on est clairement avec cette idée que concrètement l'oligarchie et les militaires qui ont pris le pouvoir sont des puissances étrangères impériales qu'il faut sortir du pays. Et avec justement une auto-organisation qui est assez intéressante, puisque pour la seule région du Grand Buenos Aires, on comptabilisera à peu près 200 groupes représentant à peu près 10 000 personnes qui en fait sont en roue libre, enfin moi j'aurais tendance à dire en quasi-autogestion, puisque concrètement ça va être des groupes qui vont effectivement faire du petit sabotage, vont peindre plutôt les murs, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore de bombes, mais ils vont, enfin c'est la même chose, hein, vont faire des fresques avec en précisant des mots d'ordre favorables à Perón, ils vont faire ce qu'on appelle la casa gorilla, c'est-à-dire la chasse. Alors le terme gorille, c'est en fait un terme qu'on utilise pour tout ce qui est militaire et mouvement opposé à un pouvoir populaire. Alors que ça soit au Venezuela, que ça soit en Bolivie, que ça soit au Chili ou en Argentine, a fortiori, on parle de gorilla pour les militaires et donc du coup plutôt la bourgeoisie ou même les secteurs populaires qui sont opposés au pouvoir censé être populaire. Actuellement, les gens qui manifestent au Venezuela seraient d'un point de vue chaviste des gorillas. Donc concrètement, on se retrouve avec des gens qui vont, par exemple, pour la Casa Gorilla, c'était mettre une petite affiche de Perón dans la rue, et puis se mettre sous un Porsche à côté, puis voir qui arrache la fiche de Perón. Et puis là, on tombe dessus, et on le passe à tabac pour lui faire comprendre que la prochaine fois qu'on remet une affiche de Perón, il faudra la laisser. Bon voilà, donc du coup on a tout un tas de groupes autonomes comme ça qui fonctionnent, à défaut d'autre chose, et puisqu'ils ne sont rattachés a priori à aucune structure, donc on est bien forcé de parler de groupes autonomes. Et en fait ils vont vraiment impulser, à la fois former tous les cadres qui vont faire la décennie des années 60-70, c'est-à-dire que les gens qui vont créer la JP, c'est-à-dire la Juventud Peronista, les jeunesses péronistes, vont se former dans cette espèce de période assez, assez euphorisant des témoignages que j'ai pu en lire aussi, puisqu'ils étaient dans la lutte, hein, la même chose que ce qu'on peut lire sur la résistance, où il y a beaucoup de résistants qui disent que concrètement ils se sentaient libres à ce moment-là. Hein. Mais donc on a cette génération de jeunes qui sont nés entre 40, qui ont entre 13, 15 et 20, 25 ans, qui vont créer les premières structures de résistance péroniste et qui vont après, petit à petit, soit devenir des têtes pensantes du mouvement Montonero, soit devenir en fait des acteurs et des animateurs de différents groupes de résistance tout au long des années 60, 70, jusqu'à les années 80, et voire au-delà, puisqu'encore on a des gens comme Jorge Rulli, par exemple, qui est encore quelqu'un qui est très actif, plutôt du côté écolo maintenant et plutôt avec un engagement libertaire aujourd'hui, mais qui est à l'époque clairement péroniste, de la jeunesse péroniste, et qui va à l'offensive contre ce qu'il estime être donc des gorillas. Donc des gorilles. Voilà. Donc tout ce mouvement-là, du coup, pousse aussi le syndicalisme, qui va prendre assez rapidement, d'abord en 57, un premier programme qui s'appelle le programme de la Falda, qui est un programme qui quand même met barre à gauche toute. Et là, pour le coup, c'est les bureaucraties syndicales qui le décident. Et après, juste, je vais te la remprunter pour une seconde. En 1962, ils vont sortir un programme qui, donc, est important, mes avis, à noter, puisque c'est les bureaucraties syndicales qui l'impulsent, et que, concrètement, la population, les syndiqués sont quand même relativement d'accord, a priori, avec ça, ça va, du coup, déteindre un peu sur l'ambiance générale au sein de la Confédération, et ça va donner quand même quelques axes de travail. Alors je vous dis, hein, le programme de Huerta Grande de 1962, il est assez à gauche entre guillemets, hein, c'est-à-dire nationaliser toutes les banques et établir un système bancaire éthique, étatique et centralisé, mettre en place le contrôle étatique sur le commerce extérieur, nationaliser les secteurs clés de l'économie, sidérurgie, électricité, pétrole et frigorifique, interdire toute exportation directe ou indirecte de capitaux, ne plus reconnaître les engagements financiers du pays signés sur le dos du peuple, interdire toute importation qui ferait concurrence à notre production, exproprier l'oligarchie terrienne sans aucune compensation, mettre en place le contrôle ouvrier de la production, abolir le secret commercial et fiscaliser rigoureusement les sociétés commerciales, planifier l'effort productif en fonction des intérêts de la nation et du peuple argentin, en se fixant des priorités et en établissant des planchers et des plafonds de production. Donc il y a des choses qui sont pas inintéressantes, hein, même si c'est très clairement national, étatique, etc. Par rapport à ce qui a pu être fait et dit auparavant, c'est quand même, tout le monde est d'accord pour considérer que c'est une barre à gauche quand même assez significative de la part des secteurs, des directions syndicales. Voilà. Pour autant, on va en arriver aux affiches à la question du film des extraits que je vais vous montrer. En fait, donc pour autant, cette CGT, elle connaît quand même des tensions en interne, hein, puisqu'on a quand même des franges qui sont plus à droite que d'autres. On a des franges qui sont quand même qui poussent et qui sont, même si elles ne se revendiquent pas de ça, pour moi, elles sont clairement dans une perspective syndicaliste révolutionnaire. C'est-à-dire que concrètement, on a à la fin des années 60, en 68, la création d'une CGT qu'on appelle la CGT la CGT de los Argentinos, donc la CGT des Argentins, qui non seulement scissionner, enfin, c'est pas elle qui scissionne en fait, c'est-à-dire qu'elle, elle gagne congrès de Amado Olmos du début 68, elle gagne les postes. Donc la CGT devient une CGT censément de gauche radicale. Sauf que la droite syndicale péroniste, elle décide de scissionner. Donc on se retrouve avec deux CGT, la CGT de los Argentinos, qui normalement serait la CGT officielle, hein, et la CGT, des pieds, CGT alternative, on appellera comme on voudra, qui elle est la CGT, qui reste une CGT quand même relativement combative, puisqu'à ce moment-là, on est avec un nouveau pouvoir militaire à la tête de l'Argentine, mais qui est quand même un ton en dessous et plus péroniste que social, socialiste ou révolutionnaire. Et la CGT de los, la CGT de los Argentinos, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Elle est intéressante notamment parce que elle va opérer, et c'est quand même assez rare dans l'histoire argentine, et je ne pense pas que ça soit si fréquent aussi dans l'histoire du syndicalisme international, elle va essayer d'opérer quand même une fusion entre les intellectuels et un syndicat qui est donc massif, hein, puisque c'est quand même 1 million de syndiqués dans la CGT de los Argentinos, c'est pas des groupuscules. Hein. Donc du coup, elle essaie d'opérer à travers son journal qui s'appelle CGT, tout simplement, CGT. Elle va essayer d'opérer une fusion entre quelque chose de des préoccupations intellectuelles assez poussées avec des gens qui sont quand même des gens qui sont de vrais intellectuels comme Rodolfo Walsh par exemple, qui est quelqu'un d'important à cette période, et donc elle va essayer de faire en sorte que les étudiants, les intellectuels et les ouvriers fassent front commun contre le pouvoir militaire de cette époque-là. Et c'est quand même assez inédit aussi dans le cadre de l'histoire du péronisme, puisque à l'époque du premier péronisme, quand même, Perón faisait défiler les ouvriers avec des espadrilles en main et au slogan de Alpargatas sí, libros no, c'est-à-dire oui aux espadrilles, non aux livres. Puisque concrètement, les étudiants étaient vus comme des ennemis politiques en fait du péronisme. Puisque les étudiants à cette époque-là étaient quand même, il faut le dire, peu nombreux, plutôt d'extraction sociale bourgeoise, et qui plus est, proches de mouvements socialistes, etc. Il y a eu à certains moments d'ailleurs des collusions avec les groupes de certains groupes de la FORRA, etc., et les étudiants. Mais bon. Je reviendrai dessus si vous voulez, puisqu'il y a eu un vrai mai argentin qui est en 1945 qui est intéressant quand même. Mai au sens de mai 68, hein, mais en 45 et en Argentine. Voilà, donc on a cette CGT de los Argentinos qui tente de faire converger comme ça à la fois les intellectuels, les étudiants et les ouvriers, et qui va, alors ça c'est le deuxième point intéressant, c'est qu'elle va se concentrer beaucoup sur Córdoba, la ville de Córdoba, qui est un poumon industriel argentin, hein, notamment de la construction de l'usine Fiat, donc d'automobile, et qui va voir... émerger un certain nombre de leaders syndicaux, dont le plus emblématique est Agustín Tosco. Et alors, le film en question, c'est un film sur Tosco. C'est un film qui, en fait, est un assemblage, un montage de films d'archives. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Il est doublé uniquement en espagnol, il n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Bon, alors, il faudrait peut-être essayer de le doubler, mais bon, ça représente du travail et je ne suis pas sûr de l'intérêt profond pour la population française. Mais enfin bon, on pourrait essayer. Alors, ça va durer 3 minutes, donc je ne sais pas s'il y a 3 minutes, je vais faire 2 petits extraits. C'est juste essentiellement pour vous montrer un peu le niveau de conflictualité qu'il peut y avoir à cette fin, au tournant, parce que là, on voit vraiment des scènes vas-y, pardon. Le film date de quelle année ? 2011. Il est sur quelle époque ? Soit à la fin des années. Le tournant, en fait, là, c'est en gros le début de l'année 69, où en fait, on a déjà, au début de l'année 69, des mouvements assez forts, ouvriers et étudiants, dans la ville de Córdoba. Et en fait, ça va aboutir en mai 69 à un événement qu'on appelle le Cordobazo. Donc, le suffixe aso en espagnol, ça veut dire le coup, en fait. Voilà. Donc quand on dit puñetazo, par exemple, c'est un coup de poing. Donc le cordobazo, c'est en fait le coup, littéralement, des habitants de Córdoba. Et donc en fait, ce coup, il va consister à ce que pendant 3 jours, en fait, il va y avoir une espèce de commune qui va émerger à Córdoba. Donc une commune au sens où pendant 3 jours, en fait, les ouvriers vont tenir leur quartier, les étudiants vont tenir leur quartier, la police ne va pas pouvoir y rentrer. Et en fait, ça va faire en partie plier le gouvernement militaire de l'époque. D'autant que, après le Cordobazo, on verra à peu près une vingtaine d'autres épisodes de ce type-là. Alors, on aura le Viborazo toujours à Córdoba, on va avoir j'y retrouverai, peu importe. Mais il y a une vingtaine de villes comme ça qui, dans toute l'Argentine, vont connaître des espèces d'événements dans lesquels ils vont avoir, sur plus ou moins de jours, il va y avoir une quasi-autogestion de la ville par les ouvriers. Alors, trop courte pour qu'on puisse voir comment ça se serait déroulé, hein, si on pense à des épisodes comme Nantes, par exemple, pendant mai 68, ou pendant un mois quasiment, a priori, Nantes a été quand même dans une position où elle était quasiment complètement autogérée par la CGT, les étudiants, etc., hein, de ce que j'en ai compris, en tout cas, de ce qu'ont pu me raconter les camarades qui ont vécu le moment. Donc on ne peut pas savoir comment ça aurait évolué à ce moment-là, mais en tout cas, on a ce début, en tout cas, de prise de pouvoir populaire qui élimine tout ce qui est force répressive, donc présence militaire, et qui plus est, a quand même, alors sur ces images-là, on ne va pas forcément le voir encore que, mais sur d'autres images, je pense à un autre film qui s'appelle Rebellion, de Urioste, on voit très clairement que sur les toits, en fait, les revendications estudiantines et ouvrières, enfin en tout cas les mots d'ordre qu'ils ont peints sur les banderoles, ne rappellent pas, ne renvoient pas à Perón, mais renvoient au groupe type ERP, c'est-à-dire les Ejército Revolucionario del Pueblo, l'armée révolutionnaire du peuple, donc plutôt de caractère guévaro-trotskiste. Enfin, on va avoir des revendications qui sont plutôt d'ordre, enfin avec des renvois à des groupes qui sont plutôt des groupes révolutionnaires de gauche, quoi, pour faire large, plutôt qu'au péronisme, quoi. Alors c'est les banderoles dont je parlais, là on les voit mal, hein, mais sur d'autres films on les voit bien, c'est plutôt, c'est pas forcément Retour de Perón, mais FAP par exemple, pour le coup c'est véroniste. Sous un gouvernement militaire. Ouais. Oui. On est censé être en état d'urgence, en France. Donc il leur jette des pierres, elles sont de petits. Elles sont petites. La police. C'est moi, ça me paraît assez. Alors, je voulais avancer un peu parce qu'il y avait d'autres moments, il y avait qui n'était pas forcément intéressant. Alors, donc ça, c'est le Tosco, qui lui est clairement du parti communiste, un proche, très proche des communistes, et qui lui, effectivement, est un des grands leaders syndicaux. Un des grands leaders syndicaux, pardon, argentins, de. Donc là, c'est le Cordoba Show, c'est le début. Donc, effectivement, on a des colonnes ouvrières qui partent pour aller dans le centre-ville. Et ça va être le début, en fait, de la situation dont je parlais. Je ne sais pas si le son, c'est le fait que le son soit. Il y a le 29 mai, concluyeron al centro de la ciudad, que había ensañado con toda esta serie de mártires, volvió a actuar y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Córdobazo. Donc celui qui parlait, c'était Tosco aussi. C'était pour vous donner un peu de l'idée. Hein. Oui, donc du coup, c'est, enfin, vous voyez cette conflictualité-là qui s'exprime à ce moment-là, donc là on est en 69, donc elle va continuer sur les années 70, 71, 72, et en fait on va aboutir concrètement à ce que le gouvernement militaire de l'époque, alors en fait, là, le Cordobasso, il en termine avec un premier général qui s'appelle Pongani, hein, qui lui se veut une espèce de Franco. Donc, le Cordobasso élimine, d'une certaine manière, fait que le Pongani en question démissionne. Mais ce n'est pas la fin du gouvernement militaire de l'époque. Hein. On a une succession de militaires, dont le dernier qui s'appelle le général Lanusse, qui lui, au bout d'un moment, considère qu'effectivement, il ne sert plus à rien de rester en place. Concrètement, il se propose d'organiser des élections pour en fait le mois de mars 73. Avec le dernier petit piège pour Perón, je me souviens exactement, en gros, il dit que seul, enfin, il passe une loi en catastrophe, le général Lanusse, ou il fait passer une loi en catastrophe plutôt, dans laquelle il est précisé que concrètement, seuls les habitants vivant depuis au moins 6 mois en Argentine peuvent se présenter à l'élection présidentielle. Donc, comme Perón est encore en exil à ce moment-là, Perón ne pourra pas se présenter. Mais il fait se présenter à sa place un personnage qui s'appelle Campora, qui s'appelle Héctor Campora, et qui lui est très clairement de la frange de gauche du péronisme. Sauf que, et c'est là où arrive le gros malentendu entre, enfin le gros malentendu, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malentendu, en fait. C'est plutôt les forces de gauche péronistes qui ont toujours mal compris Perón. C'est-à-dire que Perón les a toujours plus ou moins manipulés en leur faisant croire que, concrètement, il parlait de ses forces, de sus fuerzas especiales, c'est mes forces spéciales, en parlant des groupes armés type Montoneros, etc. Il a toujours fait croire que, en s'entourant de personnalités comme Héctor Campora, une fois qu'il reviendrait, il mettrait en place une espèce de secteur, de pays tirant vers le socialisme. Il n'a jamais critiqué le slogan des Montoneros qui disait Perón evita la patria socialista, c'est-à-dire Perón evita la patrie socialiste. Donc en gros, il laisse comprendre en fait, il laisse entendre au secteur de la gauche péroniste que il est d'accord avec eux. Sauf que en réalité, il n'a jamais été d'accord avec eux. Que le Héctor Campora, qui va effectivement être élu en tant qu'homme de paille de Perón, va pendant une cinquantaine de jours, suite à son élection, laisser le peuple péroniste s'exprimer dans toute sa diversité. C'est-à-dire que, quand je dis s'exprimer, alors on va avoir par exemple une floraison de journaux, une presse qui retrouve des couleurs. On va avoir des mouvements de libération massive de prisonniers. On va avoir des mouvements d'occupation massive de toutes les institutions, jusqu'à des cimetières, en fait, qui vont être occupés pour, en fait, exclure le directeur qui était trop proche de l'ancien junte pour y mettre quelqu'un de la gauche péroniste. Enfin, on a tout un espèce de mouvement comme ça qui est assez intéressant, mais qui renvoie à qui renvoie en fait à une critique que faisait un personnage important du péronisme qui s'appelle John William Cook, qui disait qu'en fait le péronisme est un géant aveugle et invertébré. Et alors si là le péronisme n'est pas invertébré puisqu'il est en capacité d'organiser l'exclusion de dizaines de directeurs de différentes institutions, s'il est organisé au point d'avoir fait élire son candidat qui était Héctor Campora, il est complètement aveugle dans le sens où concrètement, mes avis, la seule revendication du retour de Perón était totalement insuffisante, ridiculement insuffisante, pour garantir tous ces acquis sociaux. Et que concrètement, le mouvement péroniste était aveugle dans le sens où il n'a pas su se doter non plus d'une idéologie suffisamment autonome, en fait, et d'auto-organisation pour pouvoir pérenniser ces acquis sociaux qu'il avait obtenus en très peu de temps. Donc Perón revient en septembre 73. Et là, en fait, c'est le début de la fin d'une forme de désamour, en tout cas, entre le péronisme et Perón, puisque concrètement, on rentre dans un premier temps pouvoir qui est quand même répressif, mais qui reste quand même. Perón veut quand même ménager à peu près la chèvre ouvrière et le chou. Bourgeois péroniste, on va dire, et jusqu'à ce que lui meure. Il meurt rapidement, il meurt le 1er juillet 1974, et là en fait il a été élu avec sa troisième femme, avec Isabel Perón, qui devient la première présidente d'ailleurs dans le monde occidental, hein. Les deux premières ont été, c'est une mongole je crois et une chinoise, très peu de temps, mais voilà. Et en fait, elle devient la première présidente d'une république, mais elle est entourée d'un aréopage d'extrême droite, très clairement, fascisant, López Rega, pardon, qui lui est une espèce d'astronome rosicrucien, qui est très clairement influencé par le franquisme. Enfin, et donc là, on vire dans une espèce de période d'hystérie fasciste, où en fait, il monte une structure qui s'appelle la Triple A, donc l'Alliance Anticommuniste Argentine, qui va tuer à peu près en moyenne 3 personnes par jour. Mais quand je dis tuer, c'est-à-dire mettre en scène des morts extrêmement macabres, de cadavres dépecés, dynamités, enfin des choses qui sont faites pour marquer les esprits de manière à ce que les éventuels, de manière à ce que tous les gens qui sont opposés à ce pouvoir-là se taisent. Et en fait, on a donc petit à petit, avec ce pouvoir qui est malgré tout un pouvoir péroniste, qui se sépare petit à petit de son peuple, on a quand même une forme d'autonomisation du mouvement ouvrier syndical, avec en plus tous ces secteurs-là que vous venez de voir à l'œuvre sur les images, hein, qui sont, eux, je vous l'ai dit, pas forcément très très proches du péronisme. Mais donc on a comme ça, sur la fin de 75 et le début de 76, on a comme ça, on monte en puissance en fait, dans les cordons d'ouvriers industriels, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé au Chili sous Allende en 72-73, si vous connaissez un peu cette histoire-là, où on a effectivement des structures syndicales qui commencent à écrire des petits bouts de programmes politiques, qui plus est, qui commence à s'auto-organiser en dehors des centrales syndicales à travers en fait des cordons, enfin à travers des coordinations qui sont en fait très, très très horizontales dans leur mode de fonctionnement, et qui en fait sont, on vit une situation qui est pré-révolutionnaire en Argentine à ce moment-là, et mes avis que les militaires, s'ils interviennent le 24 mars 1976, on a commémoré les 40 ans de l'intervention militaire en mars dernier. Si donc on a des militaires qui interviennent le 24 mars 1976, ce n'est pas tant, ça c'est l'explication traditionnelle, pour remplacer un pouvoir inefficace qui serait le pouvoir de Isabel Perón, ou du moins, si le pouvoir est inefficace, il est inefficace, mais d'avis, plutôt par rapport au fait de contenir les velléités ouvrières que par rapport à la gestion économique et, du pays. Donc là, on a vraiment, il me semble, et ça pour moi, ça a été la vraie découverte en reprenant cette période de l'histoire et en écrivant ce bouquin-là, on a, il me semble, effectivement, une espèce de paroxysme de l'indépendance, de l'auto-organisation et des capacités autogestionnaires du mouvement ouvrier qui n'a pas eu le temps de s'exprimer totalement parce qu'elle a été tuée dans l'œuf, effectivement, par l'intervention du 24 mars. Mais qui n'a pas donc, enfin qui n'a pas été complètement, enfin qui est déstructuré très rapidement hein, par la junte militaire, mais qui va être quand même en capacité de se régénérer au bout de quelques années, puisque bon alors vous savez la junte militaire elle s'est terminée en 83 après le désastre des Malouines, mais on a quand même auparavant déjà des prémices des retours quand même d'une conflictualité ouvrière et d'une volonté de la CGT de reprendre la main dans la lutte contre le pouvoir militaire. Voilà. Bon, j'ai fait certainement trop long, en fait, mais si vous avez des questions, je suis prêt à revenir dessus. Je pense que la boucle est à peu près bouclée. N'hésitez pas à poser à Guillaume des questions sur cette période avant et après parce qu'il connaît bien le sujet, comme vous avez pu le remarquer. Il y en a eu combien entre des coups d'état militaires entre les deux siècles en Argentine ? Il y en a eu en 1930, en 1943, en 1955. En 1943, c'est considéré aussi comme. 1943, c'est un coup d'état militaire, c'est l'arrivée de la junte dans laquelle se trouve Perón en fait. Donc le 4 juin 1943, c'est un coup d'État. Donc là, j'avais compris que c'était une transition démocratique vers le péronisme qui avait été... Non, alors en fait, ce qui se passe concrètement, c'est qu'en 1943, parce que c'est vrai que j'ai forcément été obligé d'éluder un peu le sujet, et comme je voulais me recentrer aussi par rapport... la dernière fois, j'ai présenté le livre à Paris, j'avais centré ça un peu plus sur la figure de Perón et d'Evita. Là, du coup, j'ai voulu centrer plus sur la question des ouvriers et de la résistance populaire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 1943 et 1945, Perón, il tisse des liens avec les syndicalistes. Il passe un certain nombre de lois. Alors, les lois qu'il passe, c'est pas lui qui les a passées. C'est-à-dire que, concrètement, le système argentin est fait de telle manière qu'en fait, pour qu'une loi soit concrètement appliquée, il faut que le poste qu'occupe Perón à ce moment-là, que le ministre, le secrétaire d'État aux statistiques et prévisions, au travail aux statistiques et prévisions qu'il est à ce moment-là, puisse veuille bien les passer. Donc, comme aucun de ses prédécesseurs n'ont voulu passer les lois qui ont été déposées depuis le début du XXe siècle par le premier député socialiste qui s'appelle Alfredo Palacios, comme ces lois existent déjà, lui, il se contente, Perón, de les signer, quoi, au final. Mais bon, quoi qu'il en soit, il le signe quand même. Donc il y a un certain nombre d'améliorations sociales. Et en fait, à la fin de 45, avec la fin de la guerre, enfin en 45, avec la fin de la guerre, les États-Unis commencent à avoir plutôt d'un mauvais œil un pouvoir militaire qui est en place en Argentine, qui est quand même peu ou prou sympathisant de l'Axe. Donc il y a une espèce d'offensive contre la figure de Perón, qui a, en fait, en deux ans, déjà commencé à prendre ses distances et qui a commencé à prendre du poids, de l'ampleur et qui commence à cristalliser un certain nombre de bonnes volontés autour de lui, on va dire. Et donc, en fait, ils le mettent en prison. Mais là, il y a un mouvement populaire qui le libère concrètement. Enfin, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on va le dire comme ça. Et en fait, au moment où ce mouvement populaire qui afflue dans les villes de Buenos Aires le 17 octobre 1945, force en fait la junte à libérer Perón, en fait il lance la présidentielle à ce moment-là. Et en fait effectivement il y a une élection présidentielle en février 1946 que Perón remporte de manière tout à fait officielle et avec des observateurs, etc. Enfin, il n'y a pas de fraude constatée à ce moment-là. Et il devient légalement et constitutionnellement le président de l'Argentine. À la loyale, entre guillemets, face à effectivement un duo de personnalités qui sont en fait issues de l'Union civique radicale, donc un vieux parti qui s'est créé à la fin du 19e siècle et qui, eux, en fait, représentent des intérêts que les péronistes caricaturaient sous la forme, caricaturaient comme étant les intérêts des Américains, quoi, en fait. Donc en gros, la campagne présidentielle, c'est plus ou moins cristallisé sur Perón Braden étant à l'époque l'ambassadeur américain en Argentine, un Braden qui était par ailleurs parfaitement hispanophone et qui se permettait de faire des meetings anti-péronistes. Alors bon, imaginons, je ne sais pas, moi, l'ambassadeur américain faire des meetings anti-Mélenchon ici. Enfin, c'est pas gentil la comparaison de Mélenchon. Merci pour ton travail très détaillé. Je m'intéresse pour la conception que tu as sur l'anarchisme proprement dit. J'ai l'impression, par rapport aux années 20 qu'il y avait avec la FUBA, une organisation anarcho-syndicaliste tout court anarchiste, par rapport au péronisme. Et là, je vois, autant des développements étranges, des mélanges, comme tu as dit, avec Perón, là, des influences, de mon grand-père, comme je connaissais ça, par exemple, tu as mentionné Mussolini et Hitler, j'ai eu l'impression, par exemple, souvent le tsarisme, un mouvement péroniste qui disait si le tsar savait. Tu vois ça? Et tout d'abord, ça, à mon avis, n'a rien à voir avec l'anarchisme, proprement dit. Donc, c'est, à mon avis, le péronisme, c'est un piège pour les mouvements sociaux qui empêche même un développement d'un anarchisme proprement dit. Et à mon avis, ça se reconnaît dans le mouvement du péronisme quand c'est en opposition. Et là, je vois aussi un clivage ou même un impasse, comme dans beaucoup des mouvements ouvriers en Amérique latine, qui revendiquent, quand ils sont en opposition, un programme de nationalisation, des choses comme ça, comme on voit aujourd'hui à Venezuela, avec une faillite de l'État, parce qu'ils se sont complètement concentrés sur, par exemple, la nationalisation du pétrole ou des ressources phares. Et là, je vois un vrai piège, parce que l'opposition est toujours orientée vers cette idéologie de corporatisme, de choses comme ça, qui était installée par Perón et qui était beaucoup plus fort en Argentine que dans les autres pays. Je vois ici aussi un développement unique, d'une certaine manière, comme qui est le péronisme aussi, avec ses changements de l'origine corporatiste fasciste sur un corporatisme de gauche étatique. Et là, je vois très peu l'anarchisme proprement dit dedans. Même les Montenegro et les oppositions que tu as montrées, c'est, comme tu as dit, trotskiste, marxiste, mais je ne vois pas une libération de cette dépendance de l'État. Alors, déjà, d'une part, mon livre n'avait pas prétention à traiter spécifiquement de l'anarchisme. C'est vrai que le premier bouquin, j'ai parlé des pratiques horizontales. Ce qui m'a d'ailleurs m'a déjà eu quelques sarcasmes parce que certains par avoir eu dans les pratiques horizontales d'autres types d'activités. En fait. Parce que le terme horizontal en fait est passé un peu dans le vocabulaire politique français il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Non, ce que moi je disais, je pense qu'il y a des pratiques en termes d'action directe, d'auto-organisation, d'autogestion aussi sur certains secteurs qui sont pour moi effectivement issus de cette période de 1830, de cette période de la prégnance de l'anarchisme. Alors moi je ne parle pas d'anarcho-syndicalisme, je parle d'anarchisme syndicaliste pour la bonne et simple raison que pour moi la FORA clairement ne veut même pas entendre parler de l'anarcho-syndicalisme. C'est-à-dire que la FORA elle considère que l'anarcho-syndicalisme c'est ce qu'elle appelle des anarcho-totalitaires. Puisque l'anarcho-syndicalisme revendique, et le syndicalisme révolutionnaire revendique tout le pouvoir au syndicat, la FORA ne veut même pas en entendre parler. Donc la FORA, pour elle, doit se dissoudre le jour où la révolution est lancée. S'il n'y a pas effectivement de persistance de l'idéologie, il y a une persistance pratique. Moi, c'est tout ce que je prétends. Dire. Et par ailleurs, alors il y a un certain nombre de contemporains, hein, comme il s'appelle Horacio Badarracos, par exemple, qui lui est un quelqu'un qui a fondé une ligue qui s'appelle la Ligue Spartakiste, qui est un mélange d'anar et de marxiste à l'époque, dans les années. Donc lui il voit l'arrivée du péronisme, et il le dit très clairement, la réussite de Perón, c'est notre faillite politique à nous. Et lui, en tant que contemporain, il exprime très clairement comme ça. Après, j'avais rencontré Fernando Solnes Pelgrija, qui est historien anarchiste. Et lui, il me disait que justement, il y avait peut-être un travail anthropologique à faire sur la question de la captation par le péronisme de toute une symbolique et de toute une espèce quasi mystique, en fait, tu vois, puisqu'on peut parler à un moment de mystique anarchiste en Argentine. Pour son propre intérêt. J'en veux un exemple. Avant Perón, il y a clairement Camara et Compañero. Compagnon. Okay. Compañero, on essaie à chaque fois de nous faire, dans les traductions françaises, de nous faire gober que ça veut dire camarade. Camarade, c'est compañero, c'est pas camarade, hein, c'est compagnon. Bon. Après Perón, tous les militants disent compañero. Ils ne disent pas camarade. Tu peux te balader. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est pas longtemps que je suis pas retourné en Argentine. D'ailleurs, j'ai pas prétention à me prononcer sur la situation actuelle en Argentine. À l'époque, en tout cas au milieu des années 2000, tu pouvais faire le tour de tous les groupes à gauche existants. Tout le monde parlait de compagnie. Personne ne parlait de camarade. Aujourd'hui en France, dans le mouvement libertaire, tu parles de camarade, pas de compagnie. Donc, ne serait-ce que ça. Et il considérait qu'il y avait peut-être un travail à faire autour de ça sur la question de la symbolique, de la mystique qui avait été récupérée par le péronisme. Après, moi je pense que les pratiques, elles sont restées, effectivement, comme elles sont restées en Espagne, par exemple. Après 70 ans de présence de l'anarchisme en Espagne, on a vu quand même ressortir. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas tirer un fil direct entre les deux. Je connais pas suffisamment la situation espagnole et l'histoire espagnole pour le dire comme ça. Mais bon, la présence massive de l'Espagne, quand même, enfin de la capacité des Espagnols à prendre les places massivement, à discuter, alors pareil, c'est quelque chose qui remonte bien avant, qui remonterait au XVIe ou au XVIIe siècle. Mais bon, ça, je pense qu'on peut le lier aussi à cette pratique-là. Moi, je dis juste ça, je pense que de ce point de vue-là, les anarchistes ont suffisamment travaillé le peuple argentin en profondeur pour imprimer des pratiques horizontales qui sont ancrées. Maintenant, l'idéologie, non. l'idéologie aujourd'hui, en tout cas, on le voit, hein, il n'y a pas si longtemps, après tout, après l'élection du nouveau président, de Macri, Cristina Kirchner, elle a refait des meetings gigantesques avec des centaines de milliers de personnes. Enfin, je pense qu'encore aujourd'hui, une bonne partie du peuple argentin se péronise, sans problème. Donc on ne peut pas effectivement parler d'eux. Après, il y a des gens qui vont dire qu'ils sont anarcho-péronistes. Ah ouais. Il y en a eu quelques-uns. Mais bon, c'est anecdotique. Moi, une question en ce qui concerne, je dirais, mais c'est peut-être pas le bon nom de parler de ça le premier, après, mais ceux qui étaient là avant, les immigrés, italiens, espagnols, etc. Et comment ils vivent tout ça, comment ça se passe pour... Il n'y en a plus. Il y a certains qui ont purement et simplement disparu, comme les Sepnam, par exemple. Donc les Sepnam, c'était un peuple pêcheur-cueilleur du sud. Qui a disparu. Je crois que la dernière descendante qui était par ailleurs métissée avec d'autres populations est décédée il y a peut-être une quinzaine d'années, je ne vais pas dire, ouais, peut-être 10 ans. Donc elle avait 85-86 ans, c'était la dernière. Je crois qu'elle ne parlait même plus sa langue. Enfin, ouais. Donc ils ont été. Il y a un magnifique livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Des photos de Turner, non, je ne me souviens plus du nom de photographe. Il y a un livre fantastique qui a été sorti, qui est énorme, qui est extrêmement cher aussi, du coup. Mais sur les photos, en fait, de ce peuple-là, de cette nam, qui avait tout un rituel comme ça. Enfin, c'est déjà pas très sympathique, d'ailleurs, d'un point de vue... En fait, il y avait... Je n'arrive pas à me souvenir du nom de leur cérémonie, mais en gros c'était une cérémonie dans laquelle en fait les petits garçons étaient affranchis du fait que les espèces de démons qui maquillaient en rouge, qui terrorisaient les femmes, en fait n'étaient pas des démons mais étaient d'autres hommes. Et donc en fait il y avait une espèce de clivage comme ça qui était pratiqué entre les femmes qui étaient maintenues dans une espèce d'état de terreur permanent du fait de ces démons-là, et les petits garçons qui à partir de 12 ou 15 ans... Je le retrouve bientôt le combat. Voilà, c'est possible. Ça c'est typique, oui, voilà. Mais donc du coup, eux ont disparu. Voilà. Les Tehuelche, ils existent encore un peu, mais beaucoup moins nombreux qu'en Chili, par exemple, voisin. Ah, et après, dans le nord, il y a effectivement un certain nombre de populations, Guarani, etc. Plutôt métis, sur la frontière bolivienne. Voilà. Oui. Dans le nord, dans Chaco Star. Alors, moi, j'ai été nourrie par les chansons de Tehuelpan ou Tanqui, Campesino, etc. Et ben, je me posais des questions par rapport à... Moi, je pense qu'il y a eu une répression. Est-ce qu'il y a eu des mouvements sur le plan rural, par exemple? À l'époque de Perón, tu veux... Oui. Oui, à l'époque de Perón, oui, il y a même des tentatives de reconnaissance. Alors, par exemple, typiquement, quand on parle de fascisme pour le péronisme, la constitution de 1949, qui est écrite par le pouvoir péroniste, rejette, mais textuellement, je cite l'article, mais rejette textuellement toute forme de racisme. Hein, on considère que le racisme est anticonstitutionnel. Ce n'est pas forcément le cas du fascisme mussolinien. Hein. Et typiquement par rapport alors je ne me souviens plus de leur formule dans la constitution, mais en fait ils évoquent effectivement les peuples originaires, enfin les indigènes. Hein. Perón lui-même, certains disent qu'il est de métis Tehuelche, donc lui-même serait métis indigène. Et effectivement, il y a une tentative de reconnaissance à ce moment-là de la population, de la même manière qu'il y a une tentative de lutte contre l'oligarchie rurale en fondant plein de coopératives rurales, mais qui vont rapidement être retournées en fait et reverticalisées, dans le sens où pour moi une coopérative n'a de sens aussi fortement horizontal. Et donc du coup là on retrouve avec une oligarchie rurale qui a réussi à remettre la main en fait sur les coopératives et à les reprendre le pouvoir dans ces coopératives là. Mais il y a des tentatives effectivement qui sont menées vers la paysannerie et la paysannerie indigène a fortiori. Il n'y a pas de répression à ma connaissance, en tout cas de la part du pouvoir péroniste. Au contraire, à un moment il y a une espèce de caravane des peuples du Chaquén du nord qui va jusqu'à Buenos Aires pour revendiquer leurs droits ancestraux sur leur terre, etc. Après aujourd'hui, si le pouvoir péroniste ces derniers temps a été un peu plus répressif, il me semble que oui, vis-à-vis de, notamment ne serait-ce que dans le fait de continuer à expulser pour planter du maïs transgénique, du soja transgénique. Mais à l'époque, effectivement, il n'y a pas forcément de stigmatisation des indigènes, au contraire. Et c'était quoi la formule de Taperon, des cabecitas On parle de il y a un terme classiste et raciste de l'oligarchie, de la bourgeoisie argentine, qui parle de cabecitas negras, du coup, qui désigne en fait tout, toute cette population du centre argentin, donc negra parce que au soleil, métis, etc. Et cabecitas parce que petite tête, non instruite. Et en fait, Evita, elle va parler de descamisados, du coup. Et le descamisado, littéralement, c'est le sans chemise. Et sans chemise, pourquoi ? Parce que, en fait, le 17 octobre 1945, dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est une journée en fait, de printemps assez chaude. Puisqu'on est sur sud, donc en octobre, c'est pas l'automne. Donc, du coup, il fait assez chaud. Et en fait, les gens qui attendent depuis un certain temps commencent à enlever leur chemise, à se baigner dans la fontaine qu'il y a sur la place. Donc du coup, elle les aurait vus comme ça, elle leur parlait de descamisados. Mais pour retourner sur la question du symbole, etc., le terme descamisados, c'est le nom du premier journal anarchiste argentin. El Descamisado. Alors bon, je ne pense pas que ça ait été fait exprès, mais d'autant que la majorité, 45 ans plus tard, ou 60 ans plus tard, la majorité des Argentins n'étaient pas au fait de cette publication. Mais ne serait-ce que symboliquement, c'est assez rigolo de retomber dessus. De la même manière que, par exemple, Descamisado, ce n'est pas un terme qui était utilisé, c'est pas un terme d'argot, par exemple, qui était particulièrement utilisé dans l'Argentine pré-Pérol. Pour venir aux anarchistes, donc c'était un mouvement majoritaire dans la classe ouvrière jusqu'aux années 30, et puis bon, après, pour plusieurs raisons, la montée du Parti communiste, les divisions. Ça s'est étiolé, mais ça a quand même perduré. Ça a quand même perduré. Ça n'a jamais disparu complètement. C'est un truc, quand j'avais été en Argentine, on avait discuté, il y avait une fédération libertaire argentine, qui s'appelle la FLA, et ils étaient tellement anti-péronistes que sous la dictature, leur local n'a jamais été fermé. Oui. C'est quand même étonnant. Mais pareil, le PC aussi. Après, les militants de base, il y a eu une répression contre les militants de base. Mais la structure, le local, alors qu'il y a plein de locaux d'opposition qui ont été mis à sac, mais le local de la FLA n'a pas été touché. Et moi, ce qu'on m'avait dit, c'est parce qu'ils étaient anti-péronistes. Le Parti communiste sous la jeune de Videla n'a pas été menacé pour la simple et bonne raison que les deux partenaires économiques, les deux derniers partenaires économiques de la jeune de Videla et de l'Argentine de Videla sont l'URSS et Cuba. Donc le dernier partenaire économique de la jeune, c'est Cuba. Les derniers pays qui daignent échanger économiquement avec l'Argentine. Après, effectivement, la bibliothèque, par exemple, José Ingenieros, qui est une bibliothèque anarchiste de Buenos Aires, qui fait partie de notre réseau. Qui fait partie du réseau FICED, là, ça s'appelle. Est restée ouverte pendant toute la période de la junte, a perdu un certain nombre de ses militants qui ont disparu, effectivement. Mais les copains, ce qu'ils disaient, c'est qu'en fait, concrètement, pendant la junte, bon, ils n'allaient pas aborder frontalement la question du les écrits de Kropotkin ou de Bakounine, mais ils allaient parler de tango, ils allaient essayer de faire un pas de côté. Ils faisaient cours du soir aussi dans le quartier. Ils faisaient cours du soir dans le quartier. Ils essayaient de rester ouverts en essayant de faire quelque chose. Ce qu'on a appelé, en fait, j'ai oublié son prénom, son nom, mais donc du coup, l'expression n'est pas de moi, il faudrait que je lui rende justice. Il y a un chercheur argentin qui parle de résistance moléculaire. Et pour lui, la résistance moléculaire sous la jungle de Videla, c'est justement les électriciens qui vont remettre l'électricité, ça va être les tout petits sabotages, ça va être justement le fait de maintenir ouvert un petit local dans lequel on va pouvoir continuer à diffuser des livres, parce que l'index de la jungle a été quand même extrêmement volumineux, les ministres de tous les livres qui a été interdits à l'époque, dont le fameux petit chaperon rouge qui est interdit par Videla. Parce qu'il y avait rouge, certainement. Avec des rouges, noirs, blancs, les couleurs. Donc il y avait un index. Donc toute cette petite forme de résistance donc moléculaire qui, alors j'ai essayé de retrouver son prénom. Après, on rigole, mais il y a quand même eu 30 000 disparus. C'est quand même. Et l'histoire de l'Argentine, c'est quand même énormément de répression. Ça a commencé par l'extermination quasi totale des peuples premiers. Et après, les anarchistes, ils ont souffert. Il y a eu des fusillades, des semaines tragiques, et divers événements. Des gens envoyés au bagne à Ushuaïa, etc. etc. C'est quand même une terre de violence face à. C'est pas la petite répression, quoi. Ils font ça en gros. Voilà. C'est industrialisé, effectivement. Ouais. On trouve encore. Alors, pour anecdote, il y a effectivement. Ce qui avait été quand même un peu médiatisé sur la question des enfants disparus de la dictature. Donc, on estime à peu près entre 500 et 1000 enfants qui ont disparu sous la dictature de Videla. Pour la dictature franquiste, il y a certains compagnons et camarades qui l'estiment à peu près 300 000 entre 1939 et 1985. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui serait devenu clairement une industrie gérée par le plus d'élite en Espagne, par exemple, n'a pas eu le temps de se mettre en place de la même manière en Argentine. Mais j'en ai pas la preuve formelle, mais je pense que compte tenu des liens entre l'armée espagnole et l'armée argentine, je pense qu'ils se sont clairement inspirés de l'exemple. Qui consistait à effectivement prendre des enfants des ventres des supposés subversifs, puisque dans le lot, il y a quand même, sur les 30 000 disparus, si je ne veux pas dire de bêtises, mais tant qu'il y en a à peu près 30% de femmes, il me semble, 50% d'ouvriers, quand même. Donc des gens de la base, quoi, enfin pas des. Enfin, ceux qui disparaissent, c'est effectivement pas que des têtes pensantes, pas que des leaders, c'est vraiment en partie le petit peuple qui est raflé, séquestré, exécuté. Et vous avez un film qui s'appelle Buenos Aires 1977, qui a été traduit en français, je crois, ou qui a été sous-titré en tout cas en français, qui est pas mal du tout, qui replonge bien dans le. Qui a été présenté à Cannes, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et qui replonge bien dans cette ambiance de 76, 77, 78. En fait, c'est les deux premières années que ça se passe. Le gros des disparus, c'est les deux premières années, 76, 78. Parce qu'en fait, la junte, comme elle avait hérité de la Coupe du Monde de football qu'avait gagné à pouvoir dans les années 60, elle était bien obligée de recevoir tout le monde, ne pouvait pas se dédier devant le comité olympique, devant la FIFA, pardon. C'est des instances internationales. Donc, elle a essayé de le faire vite, d'éliminer un maximum de personnes rapidement. D'autres questions ? Après, on peut continuer à discuter informellement. Autour d'un verre. Formel, c'est informel. Toujours informel. Je ne jamais faire. Donc, eh ben, merci merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir écouté religieusement. Merci de merci à vous de votre écoute. Ça ressemble à une chapelle. C'est pour ça qu'on n'a pas mis d'étagère, on aime bien garder cette structure. Et donc, Guillaume a apporté ses bouquins, ils sont en vente, n'hésitez pas à les acheter pour en savoir. Bon, il a beaucoup parlé, mais il y a encore d'autres choses dans le livre. Oui, il en reste. Parce qu'à chaque fois, c'est ça. Vraiment, on sait tout, il a tout dit, le conférencier, tout ça. Même si on a fait un peu d'espagnol, on a bien retrouvé les noms écrits. Hein. Il y a une bibliographie assez impressionnante à la fin. Alors, je ne sais pas s'il a tout lu, mais. Oui, j'ai. Elle est pas mal. J'ai le temps.